PKFM jusqu'au bout du monde. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis d'abord pour essayer de stopper l'arrivée, ensuite pour ralentir et il y a un moment, nous le savons tous et vous le savez infiniment mieux que moi, pour gérer une épidémie qui de toute façon est inexorable. Emmanuel Macron, le président de la République française, s'exprimait en ces termes le jeudi 5 mars 2020 à l'Élysée sur la gestion de la maladie à coronavirus. Face à la crise sanitaire que traverse le monde entier depuis décembre 2019, les États mettent en place des stratégies et mesures pour protéger les populations. En Côte d'Ivoire, cette pandémie du Covid-19 a engendré la fermeture des établissements préscolaires, primaires, secondaires et supérieurs, et cette situation interpelle tous. Dans la gestion de cette crise, les établissements Henri Poincaré Boisquet, soucieux de la réussite de ses élèves, se posent la question de savoir quelle alternative pour sauver l'année scolaire 2019-2020. Eh bien, la réponse à cette préoccupation est « Hors des classes, j'étudie à travers la radio ». Depuis quelques jours, les établissements Henri Poincaré Boisquet s'attellent à organiser des cours de mise à niveau à travers la radio Gbeke FM, la première web radio de la région de Gbeke. Pour ce premier cours sur Gbeke FM, nous parlons de philosophie. Comment réussir la dissertation philosophique au baccalauréat? Pour en parler, nous recevons Dr Christian Yao, enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara, au département de philosophie. Docteur, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Également, M. Irié Géraud, enseignant de philosophie au lycée municipal d'Ibo Sunkalo Boaké. Irié, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Amis auditeurs, bienvenue sur Gbeke FM, la première web radio de la région de Gbeke, et je suis votre serviteur, François Mbrade. Gbeke FM, jusqu'au bout du monde. Merci donc de nous suivre sur Radio Gbeke FM, la première web radio de la région de Gbeke. Sachez que nous parlons de philosophie aujourd'hui avec Dr Christian Yao. Il est écrivain, il est enseignant de philosophie, enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara Boaké. Il est accompagné sur ce plateau de M. Irié Giraud, qui est professeur de philosophie au lycée Gimbo Sunkalo de Boaké. Comment réussir la dissertation philosophique? Avant de répondre à cette question, Dr Christian Yao, nous revenons donc à vous pour poser la question tout simplement. Quand on parle de philosophie, c'est quoi exactement? Alors, la philosophie, je peux dire que c'est un mot singulier, mais aujourd'hui qui est traversé par une infinie dimension du pluriel au regard des différentes définitions qui ont été affectées. D'accord. Mécaniquement et traditionnellement, ça veut dire amour de la sagesse, comme tous les élèves le savent. Je voudrais au passage d'abord saluer ces braves élèves qui nous écoutent, les élèves d'Henri Poincaré, les collègues de philosophie qui enseignent la matière ici. Et aujourd'hui, la philosophie, il faut l'admettre, c'est le triomphe de la raison, la capacité qu'a cette raison d'aller au cœur des phénomènes et poser les problèmes, chercher les solutions. Voilà un peu mécaniquement et succinctement défini la philosophie. D'accord, souvent on parle de la mère des sciences. Oui, absolument. D'accord, aujourd'hui, dans le cadre qui nous réunit aujourd'hui, la pandémie du Covid-19 qui décime le monde entier depuis le mois de décembre 2019 nous amène aujourd'hui à réfléchir autrement, faire les cours à travers la radio. Et le premier thème que nous abordons aujourd'hui avec vous concernant la philosophie, c'est comment réussir la dissertation philosophique au baccalauréat. Quand on parle de dissertation, oui, à quoi on doit s'attendre? Alors, il faudra rappeler aux élèves que au lycée, il y a deux méthodologie, deux types de méthodologie que sont la dissertation et le commentaire. Aujourd'hui, la méthodologie qui est au goût du jour, c'est bien évidemment la dissertation. Il faut comprendre que la dissertation, c'est un exercice de réflexion qui est mené autour d'un problème et qui est en rapport avec les problématiques analysées en classe. Cela demande chez l'élève quelques aptitudes. D'accord. Et quelles sont ces aptitudes? Ces aptitudes sont Je cite au nombre de trois, il y en a plusieurs, mais en ce qui concerne le lycée, je pense que ces trois aptitudes que je vais citer à l'instant suffisent à un élève de produire, à produire un bon devoir. D'accord. L'élève doit avoir la capacité d'analyse critique pour permettre, pour mettre certaines idées en cause et opérer un dépassement. D'accord. Il doit aussi avoir une bonne culture philosophique, donc ce qui implique qu'il prenne en compte les cours qui sont donnés par les enseignants en classe et aussi ses propres recherches personnelles. Okay. Et enfin, avoir la capacité de précision, de concision dans le choix de ses idées. Parce que généralement, les élèves de terminale A sont très prolixes. Voilà, quand ils comprennent un sujet, ils abordent dans tous les sens, tout simplement parce qu'ils s'y sentent à l'aise. Il ne faut pas faire ça. Il faut avoir une capacité de précision puisque le devoir, c'est juste 4 heures. D'accord. Docteur, lorsqu'on parle de dissertation philosophique, il y a bien évidemment une méthodologie. Oui. Comment se prépare cette dissertation-là? Alors, il faut comprendre que lorsque l'élève est en face d'un sujet, il y a deux grandes étapes, c'est-à-dire la phase préparatoire, ce que l'élève doit faire au brouillon, et ensuite, ce qu'il doit mettre sur la feuille de copie à rendre. D'accord. Alors, dans la phase préparatoire, ce qu'il doit faire au brouillon, quand on lui donne un sujet, que ce soit un sujet sous forme d'assertion ou sous forme d'interrogation, l'enfant doit questionner ce sujet à partir d'abord de l'étude parcellaire. Alors, en français, très simple, étude parcellaire, je vais c'est dire, quoi? L'étude parcellaire, c'est la capacité qu'aura cet élève à recenser les concepts clés dans le sujet, d'accord, à les définir selon son propre entendement, c'est-à-dire, je vais dire, selon ses mots habituels, d'accord, afin de le comprendre, et à la suite, utiliser ces définitions-là pour faire une reformulation. Okay. Et tout cela concourt pour l'élève à mieux comprendre le sujet. Donc, tout commence par l'étude parcellaire. L'étude parcellaire, d'accord. Ensuite, la reformulation, et à la suite, il va problématiser le sujet au brouillon, bien sûr. Souvent, on dit reformulation, c'est faire dans son propre français. Est-ce que c'est ça? Oui, oui. La reformulation, c'est la traduction autrement du sujet à partir de ses propres définitions. D'accord. Là, voilà. C'est vrai que les mots sont polysémiques, donc là-dessus, ils doivent aussi faire attention à ne pas sortir du contexte du sujet. Mais d'accord, c'est un peu ça, la reformulation. D'accord. Donc, la phase préparatoire, nous avons l'étude parcellaire. Oui. La reformulation, merci. Et on continue avec la problématisation. Oh oui, dans la phase préparatoire, hein, il faut d'abord chercher tous ces éléments, c'est-à-dire la problématisation qui consiste d'abord à poser le problème, d'accord, et ensuite à définir les aspects du problème sous forme de questions. D'accord. Voilà, parce que généralement, les élèves confondent un peu la problématisation en philosophie avec la problématisation en français, par exemple. D'accord. Nous allons en philosophie, ce sont les questions qu'on pose. Okay. On pose un problème central et à la suite de ce problème, les possibilités de réponse que ces problèmes peuvent donner deviennent des axes de réflexion. D'accord. Et ils questionnent ces axes-là. Donc, ce sont des questions qu'on pose. D'accord. Quand on parle de problématisation, est-ce que c'est la même chose, problématique? Oui, en quelque sorte, hein. Je pense que c'est la même chose, mais en commentaire, on parle plutôt de problématique quand il s'agit de rechercher les items de la grille de lecture. D'accord. La problématisation ici consiste à sortir le problème, à définir les axes d'analyse sous forme de questions. D'accord. Alors, lorsqu'on parle de problématisation, nous avons, donc c'est un ensemble, nous avons problème plus axe d'analyse. Voilà. Amis auditeurs, vous nous suivez sur Gbeke FM et nous sommes avec deux invités sur notre plateau. Nous avons Dr Christian Yao, il est enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara, et Monsieur Irié Giraud, qui est enseignant de philosophie au lycée Djibo Sunkalo de Boaké. Et nous commençons cette émission avec la question de la dissertation philosophique. Comment réussir la dissertation philosophique au baccalauréat? Notre spécialiste du jour nous dit qu'il faut la phase préparatoire, donc au brouillon. Il faut faire ensuite l'étude parcellaire, la reformulation, la problématisation du sujet qui est un ensemble. Problème plus axe d'analyse. Juste un mot, Monsieur Irier, sur ce point, la préparation. Merci bien. Merci à la radio Beke. Et merci de toujours continuer l'instruction et l'éducation de nos apprenants, même en cas de crise. D'accord. Je vous remercie. Alors, vous pouvez participer à cette émission. Le numéro, c'est le 49 35 80 89 42 78 45 98. Les numéros sont 49 35 80 89 42 78 45 98. Nous sommes sur les ondes de la radio Gbeke FM, la première web radio de la région de Gbeke. Nous avons, au cours des échanges avec les élèves, déjà recensé quelques questions sur la première partie de notre exercice. Il s'agit de ce que nous allons appeler l'introduction. C'est ce que nous sommes en train de préparer, c'est-à-dire vous commencez par l'étude parcellaire, la reformulation, la problématisation. Ça, c'est la phase préparatoire. Nous allons maintenant à la phase de rédaction qui commence par l'introduction. Oui, Monsieur Irier. Oui, excusez-moi. Bien avant d'entamer la phase de rédaction, j'aimerais revenir un peu sur la phase préparatoire. Ok. Sous le contrôle du docteur Christian Yao, la phase préparatoire, comme il a dit tantôt, demande l'étude parcellaire. Ok. L'étude parcellaire, la reformulation, la problématisation. D'accord. La problématisation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas le problème plus les axes d'analyse. D'accord. C'est le problème plus les aspects du problème. Ok. Il a dit sous forme de questions. Ok. Au-delà de ça, il faut aussi dégager les axes d'analyse avec les arguments et illustrations, toujours au brouillon. Ok. Sous forme de tiret-tiret. Ok. Voilà, comme un plan détaillé en fait. D'accord. Donc on va résumer ça. La problématisation du sujet. Oui. Ça prend en compte quoi et quoi? Le problème et ses aspects. Ok. Les aspects du problème représentent l'annonce du plan. Ok. Mais sous forme interrogative. Ok. Donc c'est tous ces éléments là qui consistent la phase préparatoire. Tout à fait. Alors, après cette phase là, à quoi on doit s'attendre après? Après cette phase préparatoire, on va maintenant à la rédaction. La rédaction, tout à fait. Alors, on va revenir à vous, docteur. Comment nous commençons la rédaction? C'est par l'introduction, bien sûr. Oui, bien sûr. Et il faut savoir que l'introduction comporte un certain nombre d'éléments que l'élève doit strictement respecter. Ok. Alors, il y a le premier élément qui est la contextualisation. Sous d'autres cieux, on parlera de généralisation. Voilà, la dénomination varie, hein. Oui, mais quand on parle de généralité ou contextualisation, c'est quasiment la même chose. D'accord. Et dans cette contextualisation, qu'est-ce que l'élève doit y mettre? Alors, la contextualisation permet à l'élève de situer le sujet dans son contexte. D'accord. Il y a des éléments qu'il doit utiliser pour situer ce sujet-là. On parle de paradoxe, d'autres parlent de contradiction. On peut utiliser aussi une citation pour faire cette généralité. On peut faire une analyse historique du concept même central du sujet. D'accord. On peut aussi faire une analyse conceptuelle. Ça varie. La liste n'est pas vraiment rigide ici. Comme okay. je le disais, la méthodologie est unique, mais sa mise en pratique est plurielle. D'accord. Et donc, certainement, nos jeunes élèves qui nous écoutent, peut-être que les enseignants ont donné d'autres mots que je n'ai pas cités ici, c'est juste. D'accord. Voilà, mais seulement qu'ils sachent que la contextualisation permet de situer le sujet dans son contexte à partir d'un certain nombre d'éléments. D'accord. Quand on parle de contextualisation et généralité, est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. D'accord. Monsieur Irier? Oui, comme l'a dit tantôt le docteur Christian Yao, la méthodologie est unique et sa mise en pratique est plurielle. La conceptualisation, comme il a dit, revient à mettre le problème dans son contexte d'émergence. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'il y a problème? C'est en cela qu'on parle de généralité. D'où vient le problème? Ok. Donc, l'un peut être traité pour l'autre. Ce sont des thèmes interchangeables. D'accord. Alors, lorsqu'on finit la contextualisation ou généralité, on aboutit directement sur le problème. Le problème. Alors, comment on inscrit le problème? Comment se traduit cela, le problème? Comment on peut présenter correctement le problème dans une dissertation philosophique? Le problème, généralement, nous reconnaissons l'élève de le prendre sous forme de question, sous forme interrogative. D'accord. Ça dit poser une question qui pose problème. De tout ce contexte-là. D'accord. Qu'est-ce qui survient, qu'est-ce qui découle comme problème? D'accord. Alors, il faut poser une question qui pose problème. Lorsque nous posons la question qui pose problème, est-ce que c'est cela qu'on appelle la problématique? C'est une étape de la problématique. C'est une étape de la problématique. Donc, il y a plusieurs étapes. La seconde étape, ce serait de dégager un plan sous forme de questions aussi. Ce qu'on appelait les aspects du problème. D'accord. Docteur, alors est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce point? Puisque nous allons allègrement vers la première partie de ce devoir, donc l'introduction. Bien évidemment, il y a des questions que les élèves posent. On dit comment formuler le problème à ce niveau? Comment on formule le problème? Voilà. Je pense que la formulation du problème pose réellement problème chez les élèves. D'accord. La formulation du problème pose réellement problème chez les élèves. On retient ça. Alors, comment décanter la situation? Alors, il faut d'abord comprendre que la formulation du problème est fonction du plan que l'élève va utiliser pour traiter son sujet. Et généralement, au lycée, c'est le plan binaire, c'est-à-dire thèse, antithèse. Certains enseignants enseignent aussi le plan dialectique. D'accord. Mais généralement, ce n'est pas beaucoup appliqué par les élèves, puisque le plan dialectique fait appel à la thèse, à l'antithèse et à la synthèse. Mais 90% des élèves au bac, c'est thèse, antithèse et puis passe à la conclusion. Alors, quand le plan est ainsi instruit, alors comment l'élève doit formuler sa question en sorte de répondre aux besoins de la thèse et de l'antithèse? Il n'y a pas de formule standard, ça il faut le dire, mais l'élève doit formuler sa question, ce que j'appelle une question ouverte. Il faut que la question soit ouverte en sorte que il y ait deux possibilités de réponse dans sa question. Okay. Et ces deux possibilités de réponse, la première possibilité débouche sur la thèse et la deuxième possibilité débouche sur l'antithèse. Quand il dit par exemple, la religion facilite-t-elle la sociabilisation? Ça c'est un bon problème. Un bon problème. Parce que les uns diront oui, ça socialise, ça c'est la thèse. D'autres disons non, la religion favorise des conflits, etc. Ça, c'est l'antithèse. Donc, l'enfant, l'élève, doit formuler sa question et cette question doit être vraiment ouverte. De sorte à dégager des possibilités de réponse. Réflexion. De réponse. Et ce sont ces possibilités-là qui sont les perspectives qui vont déboucher sur les axes d'analyse. Et aussi, il doit formuler les questions des axes d'analyse en sorte d'avoir une seule possibilité de réponse. Puisque l'axe 1 va montrer que la religion permet de sociabiliser, alors il faut qu'il trouve des astuces pour poser la question en sorte que la réponse soit une. Par exemple, en quoi la religion favorise-t-elle la sociabilisation? Vous voyez que la réponse est une seule. Oui. Voilà. Cependant, la religion ne débouche-t-elle pas sur le conflit? Vous voyez qu'en impliquant le NEPA et par le contradicteur qui est cependant, ça favorise aussi une seule possibilité de réponse. Donc la question ouverte qui est le problème débouche sur deux possibilités de réponse qui se donnent à partir de deux questions formulées et fermées que sont la thèse et l'antithèse. Monsieur Hirié. En effet. Je suis tout à fait d'accord avec ce que le docteur a dit et c'est tellement bien dit, mais je vais simplifier pour venir au niveau de mes élèves. D'accord, nos apprenants. Donc on quitte de l'université pour aller faire une transposition. Au lycée, d'accord, donc, allez-y. Sinon les exemples sont bien définis et c'est bon. Comme il a dit, le problème doit être une question ouverte et non fermée. Une question qui débouche sur deux types de réponses, voire même contradictoires. Le problème doit avoir pour réponse oui ou non. C'est ça la question ouverte. D'accord. Et maintenant, dans les aspects, il faut poser des questions de sorte qu'on ait une seule réponses possibles à chaque aspect. Comme il a dit, en quoi, dans quelle mesure, pour l'aspect 1 et l'aspect 2, il faut poser une question sous forme interro-négative. D'accord. Une figure de style qui amènerait une réponse unique et favorable. D'accord. Voilà. Alors, quand on parle, on va être terre à terre. Hein. Quand on parle de interro-négatif, c'est dire que dans cette phrase, on doit trouver un peu la négation et puis l'interrogatif. Oui, oui. Alors, on va recevoir cet appel. Allô? D'accord. Alors, vous êtes sur la radio Gbeke FM. Quelle est votre question? Ma préoccupation, c'est au niveau de la problématique. Oui. J'ai cru entendre que la problématique ne renvoie pas aux actes, que la problématique, ce n'est pas les actes du développement du sujet. D'accord. Donc, j'aimerais savoir quelle est la différence entre la problématique et puis les actes du sujet. Parce que, même si c'est sous forme de question, la première problématique, donc ça veut dire le premier problème qu'on pose au niveau de la problématique, renvoie à l'acte 1. D'accord. Donc, la deuxième problématique, ça veut dire le deuxième problème qu'on pose dans la problématique, débouche aussi à l'acte 2. C'est cela. Bon, donc je voulais savoir comment on arrive à m'expliquer un peu quelle est la différence et bien la problématique renvoie à quoi exactement. D'accord. Alors, je viens de vous écouter. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Monsieur Yao depuis Air France. Monsieur Yao depuis Air France. Alors, docteur Christian Yao, Monsieur Irié Giraud, la question est posée. D'accord. La question est, quelle est la différence entre les axes d'analyse et les aspects du problème? C'est cela. Bon, le fond, c'est ce qui pose comme question l'auditeur. L'auditeur, oui. Voilà. La différence est simple. L'axe d'analyse est une thèse, sujet, verbe, complément, sous forme affirmative, et cela ressort dans le développement. D'accord. L'aspect du problème est une question, mais qui est toujours liée à l'axe d'analyse. Hein. C'est la question qui appelle l'axe d'analyse. D'accord. Et donc, c'est une question, c'est une interrogation. OK. Voilà. Alors, comment faire une bonne introduction avant de poser cette question de Dosso Kadi? Je voudrais donc saluer nos auditeurs qui nous écoutent partout dans le monde. Comme on le dit, Radio Gbeke FM, c'est jusqu'au bout du monde. Vous pouvez contribuer, vous pouvez participer à cette émission en nous appelant au 49 35 80 89 42 78 45 98. Dosso Kadi de Terminal D1 pose la question, comment faire une bonne introduction? Docteur? Oui, merci à Dosso Kadi. Je voudrais tout simplement dire à Dosso Kadi que ce n'est pas difficile de faire une bonne introduction quand on a envie vraiment de faire une bonne introduction. Je m'explique. D'accord. Alors, il faudrait qu'elle comprenne que l'introduction, c'est un peu comme nos photos sur nos différentes cartes d'identité. Okay. Et à partir de ces photos portraits, on peut déjà voir, imaginer la personnalité cachée derrière ce portrait-là. Okay. Au bac, on commence par lire l'introduction. Quand l'introduction est bien faite, vous voyez que vous touchez la sensibilité du correcteur déjà. Okay. Alors, dans l'introduction, on commence par la contextualisation. On a défini un certain nombre de choses. Mais je voudrais revenir rapidement sur le paradoxe. Okay. C'est là qu'il y a problème chez les élèves. Ils ont pour habitude de faire dans leur paradoxe des oppositions trop triviales. Je veux dire qu'ils utilisent des expressions comme certains. Si je prends par exemple le sujet qui dit l'État favorise-t-il la liberté des citoyens? Et l'élève facilement, il dira, certains penseurs disent que l'État favorise la liberté des citoyens alors que d'autres disent le contraire. Bon, ça, ce n'est pas une contradiction, ça. C'est ça. Même le petit coxer d'Adjamé peut faire cette... je ne sais pas s'il faut appeler ça contradiction. Il faut qu'elle comprenne que toutes les notions étudiées en classe ont été objet de réflexion critique par des philosophes. D'accord. Quand on consulte l'histoire de l'humanité. Okay. Que ce soit l'État, que ce soit autrui, que ce soit, il y a toujours eu des pensées contradictoires, des doctrines contradictoires qui se sont agrippées, je vais dire, sur ces concepts et ont mené des réflexions. Et donc, quand on vous pose un tel sujet sur l'État, par exemple, mais il faut aller chercher ces idéologies, ces mouvements de pensée, ces doctrines qui ont mené des réflexions sur la question pour faire votre contradiction. Voyez, quand on prend le coup, le premier coup, par exemple, sur conscience, inconscient, voilà. Vous voyez que les rationalistes, c'est une doctrine vraiment bien connue qui a mené des réflexions sur cette question. Il y a le freudisme aussi qui vient un peu en contradiction. Donc, quand on vous donne un sujet comme ça, il faut pouvoir situer ce sujet-là, cette notion majeure dans le sujet, dans son contexte où le débat est parti, et puis faire une bonne contradiction. À partir de là, ça peut facilement vous amener à votre problème. Il y a quelque chose qu'on n'a pas souligné. Il y a des élèves qui intègrent, par exemple, le sujet dans l'introduction. D'accord. Bon, ça ne pose pas problème si c'est bien fait. La reformulation également, ça ne pose, même si on pense que les sujets sous forme d'interrogation bien reformulés fait office de problème. Mais ça ne doit pas vraiment passer partout parce que ça ne marche pas partout. Quand je prends un sujet, par exemple, quand je parle à mon perroquet, il répond. Qu'en pensez-vous? Vous voyez que ça, c'est un sujet qui fait appel au langage. Mais si vous reformulez ça, en quoi cette reformulation basique peut vous servir de problème? Donc, ça peut servir quand le sujet est vraiment simple. Hein? Voilà, mais ça ne sert pas à tout moment. Et donc, ceux qui veulent intégrer la reformulation peuvent le faire, mais bien faire. Ceux qui pensent qu'ils peuvent aussi intégrer le sujet peuvent aussi le faire, ce n'est pas défendu. Voilà. Mais moi, personnellement, quand j'étais encore au lycée, je ne demandais pas à mes élèves d'insérer tous ces éléments. Quand la contradiction est bien faite, ça débouche inéluctablement sur le problème. Parce que quand les gens se sont confrontés là-bas, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a confrontation? Il y a certainement un problème. D'accord. Et en ce moment, je pose mon problème. Et quand je pose mon problème, inévitablement, comme je sais que dans mon analyse, je vais d'abord montrer ça et ensuite montrer ça, les aspects, je les formule sous forme de questions. Et puis, c'est fini. Voilà. Merci, docteur. Monsieur Irié, Géraud, il y a une autre question que Barry Mamadou, en terminale A1, nous pose. Oui. Comment faire pour mieux comprendre le sujet? Lorsque j'ai un sujet, qu'est-ce que je dois faire pour mieux comprendre? Vous me ramenez à mon professeur, père à son âme, le professeur Yao Christophe, qui disait qu'il n'y a pas de formule pour comprendre un sujet. Cela dépend de votre niveau de langue. D'accord. Donc, il n'y a pas de formule toute faite pour comprendre un sujet. Le sujet, en terminale, on suppose qu'il y a un niveau de langue. Et les sujets sont fonction du niveau de langue. Il faut que nous apprenions à lire, qu'ils lisent beaucoup. La compréhension du sujet se trouve dans les mots. Les mots sont dans les livres, dans les dictionnaires et tout ça. Il faut lire. Une culture. La culture générale d'abord. Voilà. Amal Nazareth nous dit comment faire pour réussir l'insertion du paradoxe dans l'introduction. Je crois que le docteur a déjà répondu à cette question. Et elle continue pour dire comment décortiquer le sujet. Je crois qu'on se retrouve dans l'étude parcellaire. Oui. Alors, on va revenir rapidement là-dessus. Comment décortiquer le sujet? Comment décortiquer le sujet? Oui. Comprendre français d'abord. C'est ça. D'abord, comprendre français. Un sujet en philosophie, la philosophie se fait en français ici sous nos yeux. Comprendre français. D'accord. Et maintenant, trouver le contexte de chaque notion clé. Okay. Puisque chaque mot étant polysémique, quel sens est approprié au mot dans ce sujet? Quand je dis par exemple que la vendeuse d'avocats n'a pas de fruits aujourd'hui et que l'avocat de la défense n'arrive pas à joindre le juge. Le terme avocat ici a plusieurs sens. Oui. Quel sens donner au mot avocat dans mon sujet? Alors, est-ce que c'est l'avocat qu'on mange? Est-ce que c'est l'avocat qu'on mange ou c'est l'avocat l'homme de droit? Donc la compréhension du sujet, décortiquer un sujet, c'est de trouver son sens, son contexte selon le sens d'usage qu'on donne au sujet. Amis auditeurs, sachez que vous êtes sur Radio Gbeke FM, qui est la seule ou du moins la première web radio de la région de Gbeke, la web radio des établissements Henri Poincaré, et nous parlons aujourd'hui de philosophie. Comment réussir la dissertation philosophique? Vous pouvez participer à cette émission. Le numéro, c'est le 49 35 80 89 42 78 45 98. Nos invités sur le plateau, docteur Christian Yao, il est enseignant-chercheur au département de philosophie à l'université Alassane Ouattara. Monsieur Irie Géraud, qui est enseignant de philosophie au lycée Djibo Sunkalo. Nous allons prendre juste une pause, mais bien avant, une autre élève qui nous envoie un message pour dire « Monsieur, c'est quoi polysémique ?» Polysémique veut dire quoi? Alors, vous avez dit polysémique tout à l'heure. Polysémique. Elle veut savoir le sens du mot polysémique. Ça veut dire quoi, polysémique? Bon, je me réserve le droit de renvoyer à cet élève à un dictionnaire, ouais. Parce que si je lui donne directement la définition ici, je pense que ça va se loger dans sa mémoire courte et elle va perdre cette définition. Si elle va au dictionnaire, je pense qu'elle pourra garder longtemps la définition de ce mot-là. Merci docteur, nous allons juste prendre un souffle et nous revenons à vous. Gbeke FM jusqu'au bout du monde.